Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO. Oui, chaque semaine nous avons l'occasion de revisiter des grands standards de la musique de film. Nous allons donc passer ensemble une demi-heure pour écouter de très belles bandes originales, toujours en compagnie de Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors Francine, quel est le programme du jour ? Alors, au programme aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir sur de grands succès de la chanson qui ont pour origine au départ d'être la BO d'un film à succès. Et cette semaine, nous allons nous focaliser sur des titres français. Eh bien, très bien, retrouvons-nous donc dans quelques instants pour cette belle programmation. Alors cette semaine, on va fonctionner un petit peu différemment puisque on va vous laisser le temps d'écouter une chanson et vous allez essayer effectivement de retrouver le titre de la chanson et puis bien sûr le film qui sert de support à cette chanson. Et ensuite, on évoquera quelques anecdotes concernant cette chanson. Alors on va commencer par un titre très facile, je pense, Francine. On y va, voici le premier titre qu'on vous soumet. Alors vous avez certainement reconnu la BO du film Les Choristes, un film de Christophe Baratier, donc sorti en 2004. Alors nommé 8 fois au César, donc le film obtient notamment le César justement de la meilleure musique de film. Alors le succès du film doit beaucoup à la musique justement écrite par Bruno Coulet et en particulier la chanson « Voix sur ton chemin » avec la magnifique voix de Jean-Baptiste Mounier. Allez, on passe, Francine, je crois, à un deuxième titre. Alors oui, Jérôme, un titre que vous allez sans aucun doute reconnaître. C'est le titre qui est une reprise d'une chanson française de Michel Sardou. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait, entendait. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne

Alors, vous avez sans difficulté reconnu Elsa pour T'en vas pas et le film. Alors, le film, c'est La femme de ma vie, un film de 86 réalisé par Régis Varnier avec Jean-Louis Trintignant, Jane Birkin et Christophe Malavoy. Alors, à côté de ces stars, effectivement, on retrouve Elsa, une jeune fille de 13 ans dont une scène va changer son destin et lancer sa carrière de chanteuse qu'elle ne soupçonnait pas jusqu'alors. En effet, à l'origine, T'en vas pas était juste une mélodie qui accompagne le film et que l'on retrouvait dans une scène. Alors au départ, c'est aussi à Jane Birkin qu'on proposa la chanson, mais elle refusa de la chanter. Alors très vite, le single se hisse au sommet des parades, restant numéro 1 du top 50 en s'écoulant à plus d'un million d'exemplaires. Allez maintenant Francine, Alors effectivement, on va passer à un autre extrait, là aussi plus difficile peut-être à trouver. Alors c'est parti. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'en sorcelle. La scène, la scène, la scène. La scène, la scène. Tu n'es pas sous, Paris est sous. La scène, la scène, la scène. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on sonne comme ça. La scène et moi. Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi on sonne comme ça. La scène et moi. Vous avez bien entendu reconnu Vanessa Paradis avec La scène, une chanson pour le film d'animation Un monstre à Paris en 2011, avec un casting vocal détonnant, avec en outre Vanessa Paradis, on y retrouve M et encore une fois. C'est grâce à sa bande originale que l'on garde un souvenir d'un monstre à Paris. Tout à fait, Francis. Moi, j'ai eu l'occasion de voir ce film. Ce film d'animation, j'avais beaucoup apprécié. Allez, c'est parti pour une cinquième chanson montrant que cinéma et chanson se marient bien. Souviens-toi du temps où tu venais chaque soir.

tous comme moi. Oh oui, youpi, dansons la carioca. Tant pis s'il faut dire à tout le monde au revoir. Alors c'était la carioca chantée et dansée par Alain Chabat et Gérard Darmon. Donc en 1994, Alain Berberian, déjà réalisateur des clips de fausses pubs et des parodies de bandes-annonces des nuls sur Canal, pendant les deux saisons de la série, 91 et 92, accepte donc de faire un film sur le scénario du trio comique La Cité de la Peur, une comédie familiale. Alors le film rencontre un immense succès et au fil du temps, des répliques sont devenues cultes. Et la carioca, chantée et dansée par Alain Chabat et Gérard Darmon, donne un aperçu de la dimension comique du film. Très bien, Francine. Allez, maintenant, on passe avec une autre chanson, alors qui est certes connue, le film beaucoup moins. Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime. L'amour est plus fort que tout, ni l'enfer ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi. On se retrouvera de Francis Lalanne, une chanson donc qui a connu un grand succès, mais qui au départ était donc la bande originale d'un film, fantastique assez atypique, Le Passage, de René Manzor en 1986, avec comme interprète principal Alain Delon. Alors loin d'être un chef-d'œuvre, la BO donc a connu un certain donc succès. Allez Francine, il nous reste je crois un dernier morceau. Alors certainement le plus difficile de la série, même si la chanson est connue. Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fait même la nuit comme moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues. Venir les larmes aux yeux. Tu es mon maître après Dieu. Dieu est un fumeur de Havane. c'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Sans elle, tu es malheureux. Au clair de la lune, ouvre les yeux. Pour l'amour de Dieu. Dieu est un fumeur. Alors, donc, vous avez reconnu Dieu est un fumeur de Havane, une chanson française interprétée par Serge Gainsbourg et Catherine Deneuve, écrite et composée par Serge Gainsbourg en 1980 pour le film de Claude Berry, Je vous aime. Donc, elle remporte un énorme succès. Eh bien, très bien, Francine. Ainsi, donc, s'achève ce numéro spécial de l'ABO. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pris plaisir à découvrir et réécouter certaines chansons françaises à l'origine de bandes originales de films. Alors, n'hésitez pas à laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet et puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Eh bien, Francine, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Toujours fidèle au poste. Hein. Toujours. Eh bien, portez-vous bien d'ici là et puis n'oubliez pas de rester fidèle à Radio Fadjet. Dieu est un fumeur de Havane, tout près de toi, loin de lui. J'aimerais te garder toute ma vie. Comprends-moi.